Kiss pour commencer cette soirée avec I Stole Your Love, extrait de l'album Love Gun, sorti en 1977. Kiss que vous pouvez retrouver cet été, le 9 juin 2020, donc, à l'hôtel Accor Arena, à Paris, pour un concert. Allez, on continue. Rock avec Blackfoot, Junkie's Dream, extrait de l'album Flying High, sorti en 1976. Find a brim, there I'll die. autour de la routine. The next 6 months in a voting station, I sit fine, but drink in moderation. One ball of this government's finest. Un titre qui part pas, eh ben c'est pas grave, on le remet tout de suite après. Donc là, on a écouté Monsieur Ian Gillan avec une chanson qui s'appelait Message in a Bottle, et j'avais prévu d'enchaîner avec un autre titre qui s'appelle également Message in a Bottle de The Police. Thank you. Sting et Police avec Message in a Bottle. Voilà, juste avant c'était Monsieur Ian Gillan, Message in a Bottle également. Donc un titre, deux artistes, voilà. Peut-être un nouveau concept à développer dans Hot Rods. On passe maintenant, puisqu'on était sur un ancien Purple avec Gillan, on va passer avec encore un ancien Deep Purple. Et ce sera un titre de Rainbow avec Man on a Silver Mountain. I can roll, I can feel. Monsieur Richie Blackmore et Monsieur Ronnie James Dio pour le groupe Rainbow sur l'album Richie Blackmore's Rainbow. Voilà, c'était sorti en 1975, Man on a Silver Mountain. J'espère que vous avez eu une très bonne journée. Moi, ça a été pas trop mal. Si t'as eu une mauvaise journée, eh bien, assieds-toi. Détends-toi, laisse-toi faire. Hot Rods est là, il va gérer la pression pour toi. Jusqu'à 20h, Jackal s'occupe de tout. Les affreuses ont reconnu Uriah Heep avec le titre Love Machine sur l'album Look at Yourself en 1971. On pourra les retrouver à Saint-Julien-en-Genevois, c'est dans le 74 pour le festival Guitare en scène, et ce sera le 17 juillet 2020. Donc si tu aimes Uriah Heep, eh bien prends tes places, mon bonhomme, ça va être pour toi au mois de juillet. Il est 18h26 et 30 secondes. En général, à 18h30, c'est l'heure de la Friend Touch. On a un tout petit peu d'avance, mais c'est pas grave. On y va. On va envoyer avec un premier groupe, donc 100% français, qui s'appelle Abrial Stratagem Group. Et le titre, il date de 1977 et ça s'appelle Pauvre Rocky. L'autre matin, quand je me suis réveillé, j'ai senti que quelque chose de drôle allait se passer. Je suis sorti de mon lit pour faire chauffer mon café. Manque de bol. J'ai eu le cul sur le plancher. Alors doucement vers la cuisine, je suis allé. Pour prendre enfin en paix mon petit déjeuner. Mais manque de peau, le pain était rassé dans le panier. Et le beurre était aussi dur que du béton armé. Oh là là, oh là là, oh là là là. Pauvre Rocky. Et puis un peu plus tard dans la matinée, pendant que je faisais des mots croisés au WC, j'entends un bruit bizarre derrière la porte d'entrée. Et puis quelqu'un qui se met à gueuler. Ouvrez, ouvrez. Oh là là, oh là là, oh là là là. Pauvre Rocky. À toute vitesse, je me suis reculotté. Quand je tombe nez à nez avec un huissier. Il a tout pris le salaud, même les vieux papiers. J'avais pas payé la caisse des Rocky retraités. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Pauvre Rocky. Et midi à l'horloge venait de sonner. Mais comme j'avais plus un rond pour aller bouffer, chez ma petite amie Julie je suis allé. Mais pas de faux, elle était partie au ciné. Oh là là. Pauvre Rocky. Quand soudain un type près de moi s'est approché, il me dit, vous, je vous ai déjà rencontré. Et nous voilà partis chez lui pour déjeuner. Mais alors là je m'aperçois que c'est un Argentin de la DST. Pauvre Rocky. Alors écœuré, je suis parti à la maison chercher ma guitare, mon médiator, ma moto et mes clés. Alors je fonce dans un restaurant, je demande si je peux jouer. Et alors là, il y a le patron qui me dit, hey, vous allez d'abord vous laver. Oh là là, oh là là, oh là là. Pauvre Rocky. Finalement, tout a pu s'arranger. Dans un drugstore, tranquillement, j'ai pu manger. J'avais même une fille qui me regardait. Mais voilà que soudain, tout s'est mis à brûler. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Pauvre Rocky. J'ai eu de la chance de ne pas griller. Mais comme dans le vestiaire, j'avais tout oublié. Mon casque, ma guitare, mon médiator et mes clés. Aussi nu qu'un ver de terre, je me suis retrouvé. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Pauvre Rocky. Après toutes ces histoires, j'allais enfin rentrer. Quand brusquement un type me dit, police, papier. J'ai beau expliquer, supplier, c'est en prison que je me suis retrouvé. Oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là. Hey, Rocky, t'as rien compris. Va t'acheter un ampli, Rocky. Voilà, un petit bijou pour terminer la French Touch de ce soir, Le Tueur en 1977. Il est 18h33, donc voilà, on avait pris quelques minutes d'avance sur la French Touch. L'heure maintenant de vous parler, de l'album de la semaine. Alors j'ai choisi un album qui est sorti il y a maintenant, allez comme ça, à vue de nez, 45 ans. Il s'agit d'un album d'un groupe britannique, Led Zeppelin, qui est sorti le 24 février 1975. Donc voilà pourquoi c'est l'album de la semaine. C'est parce qu'il a eu 45 ans, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc l'album s'appelle Physical Graffiti. Il s'agit du premier album produit sur le label créé par Led Zeppelin, Swan Song Records. Il contient 15 titres, dont 7 sont des outtakes des sessions des précédents albums. L'album s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires, rien qu'aux USA, et est considéré par certains comme l'un des plus grands albums de tous les temps. Alors pour l'anecdote, il contient la chanson la plus courte et également la chanson la plus longue du répertoire de Led Zepp, avec Brown Ear Or, un instrumental de 2 minutes 06, et In My Time of Dying, et c'est 11 minutes 06. Voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on s'écoute un extrait de cet album. Ça s'appelle The Rover. We'll be right back. J'étais en train de me poser la question, et puis finalement je me la pose plus. Allez, je vous en mets un deuxième. Custard Pie, c'est le titre qui ouvre, c'est un double album de Led Zeppelin. Led Zeppelin, Custard Pie sur l'album Physical Graffiti, un album où on peut retrouver la chanson Immigrant Song. On va passer maintenant à quelque chose, autre chose. On va passer à un groupe qui s'appelle Styx et la chanson c'est Witch Wolf. C'est sorti en 1973. We'll be right back. Certains auront reconnu, c'était les Status Quo avec un titre qui s'appelle Gardundula, extrait de l'album Dog of Two Heads qui est sorti en 1971. Les Status que vous pourrez toujours voir à la laiterie à Strasbourg le 6 novembre 2020. Si vous les ratez à la laiterie, il y aura une séance de rattrapage à l'Olympia le 8 novembre et au Transborder de Lyon le 9 novembre. Vous savez tout sur les dates de concert françaises de Status Quo. Place maintenant à quelque chose qui s'appelle Journey et le titre c'est Anytime. Ooh, anytime that you want me. Ooh, anytime that you need me. C'était Anytime, le groupe Journey, sur le www, encore un W, point, radio-webpassion.org. C'est Hot Rods, c'est tous les mercredis de 18h à 20h. Hot Rods, c'est l'odeur authentique du rock. Ainsi va s'achever la première heure, il est 18h57. On l'achève par un artiste avec lequel nous avons commencé, c'est-à-dire Kiss. C'est le dernier morceau du mois de février de Kiss. C'était le mois Kiss. C'est fini. C'est Magic Touch sur l'album Dynasty 1979. Attends, j'ai une tête à écouter Berlioz. Dorian McKay était un ichtyologue. Les poissons étaient sa passion depuis sa plus tendre enfance, depuis le jour où, pour ses 8 ans, son grand-père lui avait offert son premier poisson rouge. Et 30 ans plus tard, cette même passion lui vaut d'être convoqué au siège de la Blue Green Foundation. Un homme de petite taille, légèrement dégarni, l'accueille en lui tendant la main. Entrez, docteur McKay. Ravi enfin de faire votre connaissance. Je suis vos résultats de vos recherches depuis un petit moment et j'avoue être très impressionné par votre travail. Tout l'honneur en est pour moi, professeur Finet. Vous êtes un exemple pour nous tous, lui dit McKay en lui serrant la main. Trêve de flatterie, Dorian. Vous permettez que je vous appelle Dorian? Certainement, professeur, je vous en prie. Scrutant du regard la pièce, McKay ne put s'empêcher de remarquer une dizaine d'étagères sur lesquelles étaient entreposés de mini-coffres de bois ressemblant à une sorte d'écrin de chêne. Collection personnelle de pierres naturelles, lui dit Finet, avant qu'il eût le temps de poser la question. Godot, you're so cruel. Change your style. Go like you this way. You couldn't change. Bien, mon cher Dorian, connaissez-vous Hermy Fort Key ? J'en ai entendu parler, répondit Dorian. C'était une zone de quarantaine dans les années 50, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact, en 1954. Afin de contenir le virus Violet Lupus, le gouvernement américain avait décidé de transformer l'île d'Hermy Fort Key en zone de quarantaine, évitant ainsi la propagation de celui-ci. Et plus de 2000 personnes atteintes des symptômes y avaient été envoyées et livrées à elles-mêmes. On n'a jamais su ce qui s'est réellement passé sur cette île, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y eut aucun survivant et qu'à ce jour, aucun remède au Violet Lupus n'a été trouvé. Stampeders, Rock of Gibraltar. Le gouvernement a décidé de vendre cette île, et c'est le milliardaire Kevin Hunt qui vient d'en acquérir la propriété, mon cher Dorian. Il a été décidé d'en faire un lieu paradisiaque en y construisant tout un complexe hôtelier, une sorte de village vacances pour milliardaires. Passons sur les détails si vous le voulez bien. Pour ce faire, il nous a embauchés pour s'assurer de la viabilité de son projet. Il veut savoir si on peut séjourner sur cette île sans risquer une éventuelle contamination au virus. Je ne suis pas spécialiste du virus, professeur. Nous avons déjà effectué des recherches concernant le virus, Dorian. Il n'y en a plus une seule trace sur l'île. Ben alors, vous attendez quoi de moi ? Bear Mountain. Aspen Gem. Thank you. Ce que j'attends de vous, en fait, mon cher Dorian, c'est que je souhaiterais que vous fassiez des analyses sur les fonds marins, sur l'eau et sur la faune aquatique. J'ai déjà installé un campement sur l'île avec tout le matériel nécessaire dont vous aurez besoin, y compris des vivres. Il ne manque plus que vous. Très bien, professeur. Cela me semble très intéressant. Quand devons-nous partir ? Nous ? Non. Vous serez seul. Et votre départ est planifié après-demain. On vous y déposera en hélicoptère et on viendra vous récupérer une semaine plus tard. En une semaine, vous aurez bien le temps de collecter les informations nécessaires. Très bien. Je suppose que nous pourrons communiquer par radio. Ah, ça me semble bien compliqué techniquement. Nous n'avons pas pu établir une liaison radio avec l'île. Vous serez donc livré à vous-même, mais rassurez-vous, tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. L'île est déserte et l'air est sain, enfin du moins, débarrassé de son virus. Yesterday and Today, Earth Shaker. Quand Dorian McKay fut déposé sur l'île, le professeur Finet, qui avait tenu à l'accompagner, lui remit une carte de l'île et lui expliqua brièvement comment rejoindre le campement. Il lui fallait tout d'abord longer la plage, puis remonter sur le bord de la falaise pour accéder à un chemin forestier qui l'emmènerait à la crique où se trouvait son campement. Même si le chemin ne paraissait pas bien compliqué, il y avait quand même 25 km de marche à se farcir. Il était déjà 14 heures, et compte tenu de ses capacités sportives et s'il voulait arriver avant la nuit, fallait pas tarder. Donc, Dorian se mit en route. Roy Young. I'm a loner. Après avoir escaladé la falaise, il arriva au petit chemin forestier. Excepté celui de ses pas et de la mer, aucun autre bruit ne venait troubler le silence, ni d'oiseau, ni d'aucun autre animal, quel qu'il fût. Cela inquiétait Dorian. Restant sur sa garde, il traversa la forêt, sans encombre, et déboucha sur la crique dont lui avait parlé le professeur. Il y avait bien là une bonne centaine de huttes complètement délabrées. Elles avaient dû servir aux affectés pendant la période de quarantaine, pensa Dorian. Il contournait les baraquements pour accéder à la tente qui lui avait été dressée par la Blue Green Corporation. Il l'avait facilement identifiée grâce à leur logo gravé dessus. Thunder Mother. Tu viens de le dire, Boogie Music. Yeah. À l'intérieur de sa tente, un véritable laboratoire avait été reconstitué. Il y avait là tout ce que peut rêver un ichtyologue, et en plus du matériel de pointe. Il ne manquait rien. Il y avait même tout un matériel de plongée dernier cri. Après un rapide coup d'œil aux installations, il mangea une des boîtes de rations qui lui avait été entreposée à son égard. Bon, c'était pas terrible, mais c'était satisfaisant. Ensuite, il sortit sur la plage, s'asseya sur le sable et s'alluma une cigarette. Ce moment de détente était vraiment le bienvenu. Ah, si seulement le professeur lui avait mis une bouteille de bourbon. Mais bon, le soleil embrasait la surface de l'eau. Il était l'heure d'aller se reposer. Demain allait être une journée certainement bien remplie. Buffalo. Dead forever. La nuit fut agitée. Le soleil se levait gentiment, il devait être à peu près 6 ou 7 heures du matin quand il émergea. Il prit un café, soluble. C'est pas ce qu'il appréciait le plus, mais celui-ci lui donna un bon coup de fouet. Après une rapide toilette, il prit le temps d'une clope sur la plage. Le soleil rasait l'horizon. Il pouvait distinguer l'ombre d'un promontoire à une centaine de mètres à peu près. Le regard perdu dans cette direction, il vit une ombre bouger. Mais cela restait flou. C'était loin pour avoir une vision plus nette. POA. Automatic Writing. Last night a spirit came to me. I've waited for so long. He wrote, my child, I've come to you, and I can say no wrong. I closed my eyes and waited for another message to come through. My hand began to write the words he only knew. Dorian devait donc se rapprocher pour voir plus distinctement la chose sur le promontoire. Il écrasa sa cigarette dans le sable et décida d'aller jeter un œil, mais en étant prudent. Il ne devait pas se faire repérer par la créature. Pour lui, ça n'avait rien d'humain vu d'ici. Alors il longea les baraquements et se rapprocha le plus discrètement possible du promontoire. Il devait être à peu près à une trentaine de mètres. Il venait de se dissimuler derrière un buisson. Pensant être invisible aux yeux de la créature, d'ici il pouvait distinguer la chose. Elle était nue. Ressemblait à un être humain, à la seule différence, la couleur de sa peau. Une espèce de vert, bleu, gris, un peu comme les poissons, comme les écailles d'un poisson. Et c'est à ce moment que la créature se tourna, regarda dans sa direction et lui fit un signe, une sorte d'invitation à venir le rencontrer. Marley Gray, After Me Again. Incredible Hulk, Another Time, 1973. Ainsi s'achève la première partie de notre histoire ce soir. La semaine prochaine, on attaquera le mois de mars avec un nouvel artiste en ouverture de chaque émission pendant tout le mois de mars. Et puis, il y aura une petite nouveauté que je tiens à vous préciser ce soir. Ce sera le grand concours de Blind Test. Voilà, donc tous les mercredis soirs, à la fin de l'émission, dans ces eaux-là, vers 19h45, 19h50, je vous proposerai un petit blind test, un petit concours. Donc il y aura 5 titres qui seront mélangés, je dirais, ensemble. Et il faudra essayer de deviner de quel titre et de quel artiste, il choisit. Alors, je vais poster les règles sur la page Facebook. Donc, Hot Rugs sur Facebook. Et puis, bah, vous aurez toutes les règles. Donc, à gagner, il y aura une place à côté de moi pendant la dernière émission du mois, tous les mois, pour présenter une playlist de 5 ou 6 morceaux. Voilà, avec moi, à côté de moi, là, dans les studios. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. Donc, nous serons le 4 mars. Rendez-vous comme d'habitude, 18h-20h. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce sera toujours sur le www.radio-webpassion.org. N'oubliez pas, mardi 3 mars à 17h30, votre dose hebdomadaire d'Only Rock. Une super émission présentée par l'excellent Fabien Dumas. En attendant, essayez de bien prendre soin du rock'n'roll. On va se quitter avec deux petites choses. On va se quitter avec un titre de Ancient Greece, Eagle Song, et un titre d'Oran Outang avec Chocolate Piano. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de l'écouter en entier, le Chocolate Piano, on en entendra un bon morceau. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et du rock'n'roll. We'll be right back.